tu disais là sur la différence entre le livre d'artiste et tes autres collages un peu dans le style photoroman, c'était tu peux me le redire? Donc oui. Alors, il faut absolument que j'allume une cigarette. Bah Un instant. Je vais témoigner de mes collages et les livres d'artistes qui sont souvent aussi composés de collages. Il y a pas mal de collages à l'intérieur des livres d'artistes, même des choses collées qui sont pas de papier. Mais il y a aussi le côté journal intime qui abonde moins dans les séries de collages. C'est-à-dire dans les livres d'artistes, il y a la notation quotidienne des messages textos souvent très, très tourmentés par rapport à ma vie personnelle. Tu disais que ça avait un côté très moderne, en quoi? Ça avait un côté très moderne. Enfin, très contemporain. Oui, je voulais dire que ça faisait roman de gare. Ça fait, Lesquels? Le. c'est-à-dire les photoromans, les collages en tant que photoroman, ça faisait roman de gare dans l'agencement par la vidéo YouTube. Et les livres d'artistes, c'est plus difficile à rendre sur YouTube, ferait plus dans un genre évidemment artistique pour des étudiants d'art plutôt qu'autre chose, ou d'humanité, de littérature, des choses comme ça. Et ça ferait plus l'équivalent d'un roman de gare. Mais non, tu m'as dit que le roman de gare, c'était Le les. deux, le deux. Mais non, tu m'avais dit que tu comparais à Facebook. Ah D'un côté à Facebook et oui, de l'autre côté le roman de non, mais ça gare. c'est formel, ce n'est pas. Facebook est un roman de gare dans lequel nous vivons tous. Seulement que le langage de Facebook s'est incorporé un petit peu à certaines des pages des livres physiquement réalisés et de manière très organique. Donc, par le Des livres fait que d'artistes, les hein. SMS étaient notés, que les commentaires, c'était comme un mur Facebook dans lequel, en effet, ce qui s'est passé complètement. C'est-à-dire, il y a des commentaires, il y a Des images. des images qui sont les images même des livres, plus les retouches, plus les dessins. J'essaye de dessiner le plus possible, c'est mon force et c'est là où j'ai une maîtrise, c'est vraiment objective, parce que le reste de mes vertus artistiques dépendent de la subjectivité du public, mais là où je peux dire que je suis bon, c'est en dessinant, donc j'essaye de le faire aussi. Qu'est-ce que tu entends par roman de gare, Je ne me hein? suis pas encore allumé la cigarette. Bon, bah dépêche-toi. Oui, là, j'insistais sur la cigarette, sur que je devais m'allumer la cigarette pour comme interview, parce que j'ai un côté Greta Garbo. Elle a beaucoup souffert. On la voyait souffrante dans les photos qui étaient prises par Match, qui étaient les Paris Match du régime de Vichy. Et il y a des photos qui desservent très mal la beauté de Greta Garbo, donc qui la présentent pathétiquement et avec une mauvaise volonté de la part des journalistes de Match. Collabo et Nassi, je leur en veux toujours. C'est dans mes collages. Et dans mes collages, il y a ces images-là, ce type d'images, Ouais. ces répertoires. Oui, mais ma question était, est-ce que tu peux me préciser un peu ce que c'est que pour toi que le roman de gare C'est un roman de gare dans la mesure dans où tes volages et dans c'est de tes livres l'érotomanie d'artiste? d'admirateur, c'est-à-dire c'est en admirant Greta Garbo ou en admirant des collègues de génération qui se passe à une espèce d'exaltation fanatique qui conduit à la folie, parce qu'en effet, je me suis conduit Comme quoi? comme un amoureux fou complètement hypnotisé, et j'ai réalisé à travers mes surinterprétations qui tenaient lieu dans mon journal intime de collage et de composition, j'ai halluciné moralement ma propre situation. Donc, ces travails-là de lecture invitent les lecteurs à suivre un peu plutôt son propre vécu, parce qu'il est devant quelque chose qui va rester finalement opaque par les manques de temps qu'on a tous pour la beauté. Sauf si on fait un test doctoral à propos de ça. Ça viendra peut-être. Terminé.